matin dans la vieille mairie du coin, celle qu'on disait folle, que l'on montrait du doigt, que l'on montrait du doigt, sourit. Marie donc, les dix gens de bien, on dit plus de mal que de bien, celle qui a l'école. Ne levez pas le doigt, ne levez pas le doigt, souris. Je t'aime comme tu es, je t'aime comme tu es. Je m'en fous.